nos frères d'armes. Même des annonces, me meut. À long terme. Le monde part en couille, pas besoin de faire le tour de la terre pour se rendre compte de ce qui se passe, ce qui se passera à long terme. Ce qui nous donne à boire, toujours les mêmes qui en profitent. S'étonne pas qu'on aboie, nos mères ont perdu trop de fils. Trop de flics dans les rues, trop de bombes sur les nôtres. En gros, trop d'abus, on vient de dépasser les normes. Et prenez note, que personne s'éteint si ça pète. Si on va au-delà des mots, c'est que la guerre nous appelle à combattre cette injustice qui plane un peu partout. Et y'en a marre de leurs fils qui finissent par être tabous. Qui nous rend fous, et qui pénètrent dans nos têtes. C'est un homicide volontaire sur des cerveaux menottés. Ne nous en voulez pas, nous on se sent juste trahis. Quand la vengeance nous parle de tout ce qu'on nous a graé. Reste plus rien par les armes, pour la mémoire des nôtres. Pour condamner leurs actes, on présentait nos morts. Reste plus rien par les armes, pour exciter un peuple caché derrière les armes. Directement qui pleure, faut éviter les armes qui circulent à toute vitesse. Partout on te remet ça pour que tu dises c'est toi le fesse. Reste plus rien par les armes, pour exciter un peuple caché derrière les armes. Directement qui pleure, faut éviter les armes qui circulent à toute vitesse. Partout on te remet ça pour que tu dises c'est toi le fesse. Les cerveaux sont lavés, pour qu'on oublie ce qu'on nous a fait. Et qu'ils veulent nous voir tout ce qu'on m'a dit, pour qu'ils puissent faire toutes leurs affaires. C'est pour les hommes faits, à leur conscience qu'ils enferment. À l'extérieur, ils ont en fait comme s'ils prenaient prison ferme. Car toute cette arme qui est mise en place est hélas stratégique. Regarde la réalité en face, réveille-toi, surtout fais vite avant qu'il ne soit trop tard. Que tu reprennes encore une vie, que tu te prennes pour une star. Pour Dieu, je ne sais qui, ne vois-tu pas tout leur bonheur? Que notre effectif se réduit, non seulement prennent leur monnaie, mais en plus ils t'ont détruit. Se l'ignorer la force, faut surtout pas baisser les bras. Juste résister encore, et encore, car l'or est grave. Trop tentations dans lesquelles il ne faut pas succomber. C'est pour tous ceux une balle au cœur qui n'ont pas pu chercher. Faut éviter les armes, pour la mémoire des nôtres. Pour condamner leurs actes, représenter nos morts. Reste plus rien par les armes, pour exciter un peuple caché derrière les armes. Directement qui pleure, faut éviter les armes qui circulent à toute vitesse. Partout on te remet ça pour que tu dises c'est toi le fesse. Reste plus rien par les armes, pour exciter un peuple caché derrière les armes. Directement qui pleure, faut éviter les armes qui circulent à toute vitesse. Partout on te remet ça pour que tu dises c'est toi le fesse. La voix du shaitan qui murmure dans les têtes. La haine sous forme de pardon, parfumée à l'éther. Époque monétaire, où les visages bien souvent marqués par le dégoût embarqué là où on était. Si bien autrefois, humble et paisible, se contentant peu, juste pour le plaisir. Aujourd'hui tout nous excite, bien sûr comme prévu. Faut pas se tromper de cible, même si on trébuche. Reste rien par les armes, pour exciter un peuple caché derrière les armes. Directement qui pleure, faut éviter les armes qui circulent à toute vitesse. Partout on te remet ça pour que tu dises c'est toi le fesse. Reste plus rien par les armes, pour exciter un peuple caché derrière les armes. Directement qui pleure, faut éviter les armes qui circulent à toute vitesse. Partout on te remet ça pour que tu dises c'est toi le fesse.